Chapitre 152e, de 3 à 6 heures du matin. On a vu comment le jour s'est élevé. Ses premiers rayons éclairaient deux cavaliers qui suivaient, au pas de leur monture, le quai désert des Tuileries. Ces deux cavaliers, c'était le commandant général de la garde nationale Manda et son aide-de-camp. Manda, appelé vers 1 heure du matin à l'hôtel de ville, avait d'abord refusé de s'y rendre. À 2 heures, l'ordre s'était renouvelé, plus impératif. Manda voulait résister encore, mais le syndic Roederer s'était approché de lui et lui avait dit « Monsieur, faites attention qu'au terme de la loi, le commandant de la garde nationale est aux ordres de la municipalité. » Manda alors s'était décidé. D'ailleurs, le commandant général ignorait 2 choses. D'abord, que 47 sections sur 48 eussent adjoint à la municipalité, chacune 3 commissaires ayant pour mission de se réunir à la commune et de sauver la patrie. Manda croyait donc trouver l'ancienne municipalité composée telle qu'elle avait été jusque-là et ne s'attendait nullement à y rencontrer 141 visages nouveaux. Ensuite, Manda ignorait l'ordre donné par cette même municipalité de désarmer le pont neuf et de faire évacuer l'arcade Saint-Jean, ordre à l'exécution duquel, vu son importance, avait présidé Manuel et Danton en personne. Aussi, en arrivant au pont neuf, Manda fut-il stupéfait de le voir complètement désert. Il s'arrêta et envoya l'aide-de-camp en reconnaissance. Au bout de 10 minutes, l'aide-de-camp revint. Il n'avait aperçu ni canon ni garde nationale. La place Dauphine, la rue Dauphine, le quai des Augustins, étaient déserts comme le pont neuf. Manda continua son chemin. Peut-être eût-il dû revenir au château, mais les hommes vont où le destin les pousse. Au fur et à mesure qu'il avançait vers l'hôtel de ville, il lui semblait avancer vers la vie. De même que dans certains cataclysmes organiques, le sang, en se retirant vers le cœur, abandonne les extrémités, qui ne meurent pas à les classer, de même, le mouvement, la chaleur, la révolution enfin, étaient sur le quai Pelletier, sur la place de Grève, dans l'hôtel de ville, siège réel de la vie populaire, cœur de ce grand corps qu'on appelle Paris. Manda s'arrêta au coin du quai Pelletier et envoya son aide-de-camp à l'arcade Saint-Jean. Par l'arcade Saint-Jean allait venait librement le flot populaire. La garde nationale avait disparu. Manda voulut retourner sur ses pas. Le flot s'était amassé derrière lui et le poussait, comme une épave, aux marges de l'hôtel de ville. « Restez là, » dit-il à l'aide-de-camp, « et s'il m'arrive malheur, allez en donner avis au château. » Manda se laissa aller au flot qui l'entraînait. L'aide-de-camp, dont l'uniforme indiquait l'importance secondaire, demeura au coin du quai Pelletier, où personne ne l'inquiéta. Tous les regards étaient fixés sur le commandant général. En arrivant dans la grande salle de l'hôtel de ville, Manda se trouve en face de visages inconnus et sévères. C'est l'insurrection tout entière qui vient demander compte de sa conduite à l'homme qu'il a voulu non seulement combattre dans son développement, mais encore étouffer à sa naissance. Aux Tuileries, il l'interrogeait, on se rappelle sa scène avec Pétion. Ici, il va être interrogé. Un des membres de la nouvelle commune, de cette commune terrible qui étouffera l'assemblée législative et luttera avec la convention, un des membres de la nouvelle commune s'avance et au nom de tous « Par quel ordre as-tu doublé la garde du château » demande-t-il. « Par ordre du maire de Paris » répond Manda. « Où est cet ordre ? Aux Tuileries, où je l'ai laissé, afin qu'il puisse être exécuté en mon absence. « Pourquoi tu fais marcher les canons ?»« Parce que j'ai fait marcher le bataillon, et que quand le bataillon marche, les canons marchent avec lui. « Où est Pétion ? Il était au château quand j'ai quitté le château. « Prisonnier ? Non. » libre et se promenant dans le jardin. En ce moment, l'interrogatoire est interrompu. Un membre de la nouvelle commune apporte une lettre décachetée et demande à en faire tout haut la lecture. Manda n'a besoin que de jeter un coup d'œil sur cette lettre pour comprendre qu'il est perdu. Il a reconnu son écriture. Cette lettre, c'est l'ordre envoyé à 1 heure du matin au commandant du bataillon posté à l'arcade Saint-Jean et enjoignant à celui-ci d'attaquer par derrière l'attroupement qui se porterait sur le château tandis que le bataillon du Pont-Neuf l'attaquerait au flanc. L'ordre est tombé entre les mains de la commune après la retraite du bataillon. L'interrogatoire est fini. Quel aveu pourrait-on obtenir de l'accusé qui fut plus terrible que cette lettre? Le conseil décide que Manda sera conduit à l'abbaye. Puis le jugement est lu à Manda. Ici commence l'interprétation. En lisant le jugement à Manda, le président, assure-t-on, fit de la main un de ces gestes que le peuple sait malheureusement trop bien interpréter, un geste horizontal. Le président, dit M. Pelletier, auteur de la révolution du 10 août 1792, fit un geste horizontal très expressif en disant qu'on l'entraîne. Le geste eut en effet été très expressif un an plus tard, mais un geste horizontal qui eût signifié beaucoup en 1793 ne signifiait pas grand-chose en 1792, époque où la guillotine ne fonctionnait pas encore. C'est le 21 août seulement que tomba, sur la place du Carrousel, la tête du premier royaliste. Comment, 11 jours auparavant, un geste horizontal, à moins que ce ne fût un signe convenu de l'avance, pouvait-il dire « tuez monsieur » ? Malheureusement, le fait semble justifier l'accusation. À peine mandat a-t-il descendu 3 marches du perron de l'hôtel de ville, qu'au moment où son fils s'élance à sa rencontre, un coup de pistolet casse la tête du prisonnier. La même chose était arrivée 3 ans auparavant à Flessel. Mandat n'était que blessé, il se releva et à l'instant même retomba, frappé de 20 coups de pique. L'enfant tendait les bras et criait « Mon père, mon père !» On ne fit point attention aux cris de l'enfant. Puis, bientôt, de ce cercle, on n'en voyait que bras plongeant au milieu des éclairs, des sabres et des piques. S'éleva une tête sanglante et détachée du tronc. C'était la tête de Mandat. L'enfant s'évanouit. L'aide-de-camp partit au galop prononcer aux Tuileries ce qu'il avait vu. Les assassins se partagèrent en 2 bandes. Les uns allèrent jeter le corps à la rivière, les autres promenaient au bout d'une pique la tête de Mandat dans les rues de Paris. Il était à peu près 4 heures du matin. Précédons aux Tuileries l'aide-de-camp qui va porter la nouvelle fatale et voyons ce qui s'y passe. Le roi confessé, et du moment où sa conscience était tranquille, rassuré à peu près sur tout le reste, le roi, qui ne savait résister à aucun des besoins de la nature, le roi s'était couché. Il est vrai qu'il s'était couché tout habillé. Sur un redoublement de tocsin et sur le bruit de la générale qui commençait à battre, on réveilla le roi. Celui qui réveillait le roi, monsieur de la Chesnaye, à qui Mandat avait en s'éloignant laissé ses pouvoirs, réveillait le roi pour qu'il se montrât aux gardes nationaux et par sa présence, par quelques paroles dites à propos, ranima leur enthousiasme. Le roi se leva, alourdi, chancelant, mal réveillé. Il était coiffé en poudre et tout un côté de sa coiffure, sur lequel il s'était couché, était aplati. On chercha le coiffeur, il n'était pas là. Le roi sortit de sa chambre sans être coiffé. La reine prévenue, dans la salle du conseil où elle était, que le roi allait se montrer à ses défenseurs, accourut à la rencontre du roi. Tout au contraire du pauvre monarque, avec son regard morne qui ne regardait personne, avec les muscles de sa bouche distendus et palpitants de mouvements involontaires, avec son habit violet, qui lui donnait l'air de porter le deuil de la royauté, la reine était pâle, mais brûlait de fièvre. Elle avait les paupières rouges, mais sèches. Elle s'attacha à cette espèce de fantôme de la monarchie qui, au lieu d'apparaître à minuit, se montrait en plein jour avec l'œil gros et clignotant. Elle espérait lui donner ce qui surabondait en elle de courage, de force et de vie. Tout alla bien, au reste, tant que l'exhibition royale demeura dans l'intérieur des appartements, quoique les gardes nationaux, mêlés aux gentilshommes, voyant de près le roi, ce pauvre mou et lourd qui avait si mal réussi déjà dans une situation pareille, sur le balcon de M. Sauze à Varennes, se demandassent si c'était bien le héros du 20 juin, ce roi dont les prêtres et les femmes commençaient à broder sur un crêpe funéraire la poétique légende. Et il faut le dire, non, ce n'était point là le roi que la garde nationale s'attendait à voir. Juste en ce moment, le vieux duc de Mailly, avec une de ses bonnes intentions destinée à fournir un pavé de plus à l'enfer, juste en ce moment, disons-nous, le vieux duc de Mailly tire son épée et vient se jeter aux genoux du roi en jurant, d'une voix tremblotante, de mourir, lui et la noblesse de France qu'il représente, pour le petit-fils d'Henri IV. C'était là 2 maladresses au lieu d'une. La garde nationale n'avait point de grande sympathie pour cette noblesse de France que représentait M. de Mailly. Puis ce n'était point le petit-fils de Henri IV qu'elle venait défendre, c'était le roi constitutionnel. Aussi, en réponse à quelques cris de « Vive le roi », les cris de « Vive les nations » éclatèrent-ils de tous côtés. Il fallait prendre une revanche. On poussa le roi à descendre dans la cour royale. Hélas, ce pauvre roi, dérangé de ses repas, ayant dormi 1 heure au lieu de 7, nature toute matérielle, n'avait plus de volonté à lui. C'était un automate recevant son impulsion d'une volonté étrangère. Qui lui donnait cette impulsion? La reine, nature nerveuse, qui n'avait ni mangé ni dormi. Il est des êtres malheureusement organisés qui, une fois que les circonstances les dépassent, réussissent mal à tout ce qu'ils entreprennent. Au lieu d'attirer à lui les dissidents, Louis XVI, en s'approchant d'eux, semble venir exprès pour leur montrer combien peu de prestige la royauté qui tombe laisse au front de l'homme, quand cet homme n'a pour lui ni le génie ni la force. Là, comme dans les appartements, les royalistes, quand même, poussèrent quelques cris de « Vive le roi !» mais un immense cri de « Vive la nation !» leur répondit. Puis les royalistes, ayant eu la maladresse d'insister, « Non, non, non !» crièrent les patriotes, « Pas d'autre roi que la nation !» Et le roi, presque suppliant, leur répliquait, « Oui, mes enfants, la nation et votre roi ne font et ne feront jamais qu'un !»« Apportez le dauphin !» dit tout bas Marie-Antoinette à Madame Élisabeth. « Peut-être la vue d'un enfant les touchera-t-elle » On alla chercher le dauphin. Pendant ce temps, le roi continuait cette triste revue. Il eut alors la mauvaise idée de s'approcher des artilleurs. C'était une faute. Les artilleurs étaient presque tous républicains. Si le roi eût su parler, s'il eût pu se faire écouter des hommes que leurs convictions éloignaient de lui, c'était une chose courageuse et qui pouvait réussir que cette pointe vers les canons. Mais il n'y avait rien d'entraînant ni dans la parole ni dans le geste de Louis XVI. Il balbutia. Les royalistes voulurent couvrir son hésitation en essayant de nouveau ce cri malencontreux de « Vive le roi !» qui avait déjà deux fois échoué. Ce cri faillit amener une collision. Des canonniers quittèrent leur poste et s'élançant vers le roi, qu'ils menacèrent du poing. « Mais tu crois donc, dirent-ils, que pour défendre un traître comme toi, nous allons faire feu sur nos frères ?» La reine tira le roi en arrière. « Le dauphin ! Le dauphin !» crièrent plusieurs voix. « Vive le dauphin !» Personne ne répéta ce cri. Le pauvre enfant n'arrivait point à son heure. Il manqua son entrée, comme on dit au théâtre. Le roi reprit le chemin du château et ce fut une véritable retraite, presque une fuite. Arrivé chez lui, Louis XVI tomba tout essoufflé dans un fauteuil. La reine, restée à la porte, cherchait des yeux, regardant tout autour d'elle, demanda un appui à quelqu'un. Elle aperçut Charny debout, appuyé au chambranle de la porte de son appartement à elle. Elle alla à lui. « Ah, monsieur, lui dit-elle, tout est perdu. »« J'en ai peur, madame, répondit Charny. Pouvons-nous encore fuir ? Il est trop tard, madame. Que nous reste-t-il donc à faire, alors ?»« À mourir, répondit Charny en s'inclinant. » La reine poussa un soupir et rentra chez elle.